mer voilée d'un brouillard amer, la belle est allée la nuit sur la mer. Elle avait aux lèvres d'un air irrité la rose des fièvres, la rose beauté. De souffle farouche, l'ouragan hurleur lui baisa la bouche et lui prit la fleur. Dans l'océan sombre, moins sombre déjà, ma sombre, la fleur surnagea. L'eau s'en échouée dans ses noirs sillons, c'est une bouée pour les papillons. Et l'ombre plaoule depuis cette nuit, les brisants vous croient. Un sauvage bruit, l'Alcyon, la voile, l'hirondelle autour, et l'ombre et l'étoile se meurent d'amour, et l'aurore.